Vous pouvez réécouter cette émission ainsi que consulter la liste de toutes les chansons jouées via le CISM893.ca et l'application mobile de CISM. Bonjour à toi, cher auditeur de CISM. Et oui, tu écoutes Critique de Crowd avec Jolaine Ruet jusqu'à 4 heures. Critique de Crowd, la thématique est dans le nom. Je critique les foules. Je t'observe et j'essaie de te comprendre. Des fois, je t'aime. Des fois, tu me mets en colère, Crowd. Des fois, je fais des choses que je ne ferais pas en temps normal. Et ça va se passer ainsi pour un spécial très post-Noël. Je me suis dit, jusqu'à quand on peut parler de Noël après Noël et surtout après le temps des fêtes? Et j'ai décidé de complètement m'assumer et de vous parler du spectacle Les fêtes en enfer de mon oncle Serge et Anonymous. Ça avait lieu à Montréal le 30 décembre dernier au Club Soda. C'était une mini tournée. Alors, si tu viens de la région et que tu m'écoutes de loin, ben effectivement, tu pouvais y aller à Saguenay-Trois-Rivières. C'était même sold out. Et... oui, j'assume mon côté post-Noël pour la très mauvaise raison, mais tout à fait valable, que dans Schlaga, je suis certaine que dans les autres quartiers de Montréal, c'est aussi le cas, mais Crowd, on est très post-Noël parce qu'il y a plein de sapins dans la rue et sur la rue où j'habite, il y a une maison qui est vraiment incroyable et merveilleuse. Il fait toujours des décorations pas possibles qui mesurent 2 étages, fait que déjà, on sait que ça entend bien dans son bloc, mais... les décos sont tellement grosses que ça y prend des semaines, tu sais, toutes de faire. Fait que là, on est après Noël, tranquillement, hein. La magie, elle se dissipe, mais elle est toujours présente. Alors, ouais, ça doit être à cause des sapins qui traînent dans la rue que je me suis dit que c'était bien possible que Noël soit un peu dans notre cœur. Et sache-le, j'étais quand même curieuse parce que moi, j'en avais pas de sapins chez nous. Encore moins naturel, mais je me demandais... ce n'est pas compostable, hélas, ce n'est pas récupérable. Comme de fait, il faut que ce soit en papier et non en arbre, tu sais, dans ton bac. C'est pas jetable parce que c'est un arbre. Que se passe-t-il? Si t'étais très mal informé, Crowd, sache-le, il y a une collecte des arbres de Noël qu'ils transforment en copeaux. Ça, c'est écrit en majuscule sur le site de la ville. Vraiment, tu ne manques pas. Ils transforment en copeaux, mais pour ça, t'as juste à le déposer devant chez vous. Le 11, le 18 et le 25. Bon, là, il y a des dates de plus bonnes, tu vas me dire, effectivement. Mais écoute, il te reste le 25. Fait que d'ici ce temps-là, j'ai le droit d'être dans le temps des fêtes. Et dernier avertissement quand même assez drôle sur le site. Drôle. Je me suis dit, voyons donc. Ils disent, attention, afin d'éviter les blessures, prenez bien soin d'enlever décorations, crochets, glaçons. C'est qui jette son sapin tout décoré? Je sais pas. Quelqu'un de colère contre Noël. Si tu étais en colère contre Noël, peut-être aussi tu étais au spectacle Les fêtes en enfer de mon oncle Serge, parce que oui, c'est Noël, mais sous un autre degré. Alors, sur ce, c'était ma façon tout à fait assumée de continuer à passer des tunes de Noël rock. Alors, Noël noir, WD-40. Ce soir il me reste la nuit. Ce soir il me reste Noël. Dehors il neige sur mon ennui. Je pleure sur la vie éternelle. Seul avec le sapin des garnis, qui lui non plus n'a pas sommeil. Les cloches sonnent dans ma guitare, ma tapisserie et mes armoires, le film qui joue tard le soir, et mon angoisse dans le noir, tous mes mes amis sont bien partis. Partis pour fêter la Noël. Et dedans les bars et le Chico et Timmy, où ils voleront à tire-d'aile. Seul avec le sapin des galeries, qui lui n'ont plus la passe. Le gris qui dort dans son lit et l'âme qui lui chauffe la bédaine. Sans amour et sans ami, seul avec mes bretelles, seul avec mes envies, seul avec mes bouteilles, seul avec le sapin. WD-40, Noël Noir se retrouve sur un mini-album comprenant aussi la chanson Diesel. Et on a bien hâte d'un nouvel album. L'année passée, ils ont sorti une chanson, seule et l'unique. Alors, c'est à suivre pour tout plein d'autres et WD-40. Vous écoutez Critique de Crowd et... ouais, je riais beaucoup toute seule et je riais chez nous en regardant ma collection d'albums de mon oncle Serge. Je suis très, très fan et en onde. Moi, cher auditeur de CISM, tu sais, je te dis toujours cher parce que je t'aime bien. Je t'aime bien, fait que je prends pour acquis qu'on a les mêmes goûts, tu sais. Et c'est pas nécessairement le cas. Et on n'a pas les mêmes référents musicaux. Tu sais, dans ma tête, tout le monde connaît mon oncle Serge. En même temps, je me dis que oui. Ben, en tout cas, je sais pas, j'espère, tu sais. À quel point on le connaît bien, ah, mon oncle, qui, jadis, c'était, ben oui, dans les colocs, mais on n'en rejase plus. On n'en rejase plus non plus que mon oncle. J'espère que l'anecdote, le mythe est vrai, que son surnom est dû au fait qu'une fois, il était au resto, tout le monde avait commandé des patates frites, sauf lui, la purée de patates qu'il voulait. Fait qu'ils l'ont traité de mon oncle. J'espère, ça fit. En plus, il a écrit des tunes, ses patates, par la suite, ce serait parfait. Mais j'étais là à regarder ma collection et... J'ai été déjà en partant, ben surprise. À chaque fois qu'il fait des lancements d'albums, en général, c'est au Petit Campus, Café Campus. Et ouais, je me procure l'album sur place. J'adore les formules qu'il fait pour ses lancements, 5 à 7, quelques chansons, puis après ça, il reste jaser avec le monde, spectacle gratuit. Ouais, c'est sympathique, mais ce qui a fait en sorte, je pense que j'achète jamais les plus vieux albums en pensant que je les ai. Ben, je suis... OK, l'autre secret aussi, c'est que je sais pas comment classer mes albums. Je sais pas. Je le fais en ordre non alphabétique et non genré stylistiquement parlant. Fait que ça fait en sorte qu'ils sont dans le désordre constamment. Puis, en voulant savoir lesquels que j'avais tantôt pour vous en parler sur les ondes, j'ai réalisé que j'avais perdu Musique Barbare, le deuxième album qu'il a fait avec Anonymous. Et surtout, que j'avais deux fois l'album « Pourquoi tu joues du rock'n'roll, mon oncle Serge, pourquoi tu joues du rock'n'roll? » Deux fois! Deux fois! Je te le dis même deux fois que je l'ai deux fois! là, je comprenais plus rien. Soit quelqu'un m'en a fait un cadeau, soit vraiment je suis perdue en spectacle. Mais j'avais envie de vous inviter, chers auditeurs, si vous l'avez toujours pas écouté, je te le prête avec plaisir, parce qu'en ce moment, je me sens un peu innocente d'avoir deux fois le même album et d'avoir une collection non complète. Fait que écris sur le Facebook de Critique de Crowd, je te le prête avec plaisir, puis je vais avoir l'impression d'avoir fait une bonne action. Alors, sur ça, ben oui, je suis fan, parce que je trouve que mon oncle Serge a une grande qualité scénique et ses textes sont... Je trouve qu'il a tellement une force pour... oui, il est irrévérencieux, mais... je réécoutais Serge Blanc d'Amérique, j'ai réécouté Pestac juste avant de m'en venir. La force des textes, comment ils sont retravaillés, je trouve ça extraordinaire. Mais inévitablement, pour Critique de Crowd, c'est le spectacle. C'est vraiment, vraiment toujours tight. Il est parfait. Il est parfait, mon oncle. Il a son personnage, il est assumé, mais surtout, peu importe le nombre de fois qu'il va avoir performé, fait son spectacle, c'est toujours rodé au corps de tour. C'est d'un naturel, mais en même temps, c'est d'une précision que tu le sais que tout est calculé, tout est travaillé, tout comme sa vulgarité dans ses textes, tout est calculé. Moi, j'en ressors de la beauté, même si peut-être à un certain degré, tu pourrais dire, il parle de sexe, de drogue, de rock'n'roll et de merde. Alors, ouais, ce sera des sujets qu'on pourra réaborder plus tard. Et l'autre aspect, c'est encore plus critique de Crowd, c'est la variété qu'il peut avoir, oui, parce que ses albums ne sont pas qu'avec Anonymous, là, il y en a juste deux, fait que oui, c'est les albums qui, en spectacle, vont attirer le plus de poils, mais étant donné qu'il a fait des trucs différents avec le Sarge Jazz Band, qui est devenu après ça les sportifs, parce qu'il y avait un magasin à Hochelaga, toujours Hochelaga. Ouais, il y avait un magasin qui s'appelait Jazz Sport, fait que finalement, il s'est dit, finalement, le jazz, c'est vraiment un sport, fait que c'est devenu les sportifs, qui a permis, ouais, tu sais, d'être du rock, et après ça, acoustique. Et même acoustique, pour vous faire des comptes rendus assez rapides de mes dernières étant toutes mes expériences de show avec mon oncle Serge, je me rappellerai de cette fois où Catacombe, show acoustique, juste mon oncle, et peu importe les tunes qu'il aurait faites, il y avait beaucoup de punk crusty, ben on est au Catacombe, c'est pas surprenant, mais qui trash dans la place. Ça, oui, c'est chaotique, puis oui, ça fit avec la salle, l'ambiance, la crowd, ça attire, puis tu te dis, c'est quand même drôle, plus personne n'écoute les paroles de mon oncle, c'est genre, on dirait trashé à tout prix, tandis que... Et ça, je trouve ça beau parce que pour les paroles, il n'y a pas l'air de tant aimer Laval, bref, mon oncle. Mais j'ai déjà vu un show à Laval dans une galerie d'art de mon oncle Serge. Et c'était remarquable comment c'était d'une écoute active, c'était silencieux. Encore une fois, le lieu a une incidence et peut-être Laval aussi et les Lavalois. Fait que ça a été une des rares fois que je me suis dit, waouh! Inversement, Catacombe, on peut vraiment profiter d'écouter la musique. J'ai trouvé ça beau parce que c'est la variété et je trouve ça extraordinaire qu'un même artiste peut attirer autant de gens différents. Autant jadis au Maquisard quand c'était ouvert, j'avais vu les Pâques sataniques et il était aussi énervé qu'on l'image qu'on se conçoit de lui, comme il marchait sur le bord de la scène, il avait l'air d'une goule suintante. Le trash, oui, prenait une certaine importance dans la salle, mais je pense que les gens s'attardent aussi à profiter du spectacle, profiter de l'ambiance et toute la mise en scène, c'est toujours thématique quand il est en groupe. Alors ouais, et finalement je me rappellerai aussi d'un... j'ai plus le nom de la salle du tout. C'était à Trois-Rivières, ça n'a pas duré longtemps après la fermeture du Maquisard. C'était une espèce d'after. C'était vraiment plate comme place, mais il avait donné un spectacle là-bas. La salle était grande, la scène était très haute et mes body surf avaient été extrêmement longs. Tu sais, le genre, ça fait un bout que je suis au-dessus de la foule. Tu sais, en tout cas, ce constat-là, c'est pas que c'est pas agréable ou c'est pas amusant, c'est juste que ça devient un peu surréel juste pour la durée. Et ça va revenir. Alors, tiens, ça en a notre crowd. Fait que pour tout ça, oui, j'ai certaines attentes, mais aussi certaines impressions qui vont se reconfirmer pour son spectacle au Club Soda. Déjà, complet, c'est complètement fou, là. Je me suis dit, l'ambiance va être bonne, c'est complet, puis ça a été complet à l'avance. Fait que, oui, c'est sûr que ça va être un bon show, c'est certain. Fait que là-dessus, ben non, je vous passerai pas tout de suite du Anonymous. À la place, ben oui, j'ai parlé des autres... agencement Mononcle plus d'autres groupes. Fait qu'on va écouter du Peter Paul. Peter Paul, groupe de rock, il nous chante « Mourir pour l'or ». Peter Paul qui nous dit c'est sûr qu'il peut faire. Ben oui, Peter Paul pis son groupe de rock avec la chanson Mourir pour l'or. Et hey, parenthèse crowd, je le réalise bien que parler de mon oncle Serge, inconsciemment pour moi, ça relie beaucoup à des souvenirs teintés de trifluvie et même de famille. Et oui, ma découverte, ben oui, durant mon adolescence. Ouh. Mais c'est là que j'ai commencé vraiment à fréquenter les salles de spectacle, mais particulièrement une, et je te l'ai mentionné plus qu'une fois, et peut-être toi, Montréalais, ça te passe vraiment comme 10 pieds par-dessus la tête, c'est quoi le Maquisard? Et c'est drôle comment je l'associe aussi avec mon oncle Serge, avec c'est un de ses spectacles. Je connaissais tellement bien le Maquisard que je connaissais comme le chemin pour aller dans les loges. Fait que j'étais allée, j'étais descendue pour aller jaser, puis j'ai dû passer un quart d'heure à parler des paroles des chansons de mon oncle Serge, et ça avait été une conversation marquante parce que il m'avait dit, c'est drôle comment les gens interprètent les paroles. Je crois qu'il y en a qui le prennent un peu trop au premier degré. Et inversement, il y en a qui le prennent comme à un millième de degré. Il y avait un gars, un universitaire, qui avait déjà fait une analyse de la chanson Requiem pour la marde. Et il avait fait une analyse vraiment poussée, tandis que mon oncle se disait, ben, je voulais écrire une chanson un peu futuriste sur le fait, hypothétiquement, qu'on ne défecte plus. Et ça avait été, une conversation, littéraire, intéressante, à cet âge-là. Et c'est pour toutes ces raisons-là que le Maquisard est important pour moi, parce que c'est là que j'ai découvert les spectacles, c'est là qu'il y avait les kinos, la Ligue d'improvisation mauricienne, et il y a 10 ans déjà, ça fermait. Et je trouve que c'est encore une grosse perte pour la région mauricienne, et surtout parce que cette semaine, on a appris que le Satyre, qui venait tout juste de récupérer le Maquisard, ça faisait moins d'un an, ils l'ont déjà fermé, l'annonce s'est faite hier. C'est un peu drôle parce qu'il y a eu une première annonce faite le mardi, et pour ceux qui me suivent sur les internets, ben oui, je l'ai posté parce que c'est une salle qui me tient énormément à cœur, peu importe ce qu'elle devient, qu'il la renipe puis qu'il la mette trop belle que ce que le Maquisard est, là, tu sais, je trouve que c'est un peu sale, le Maquisard, c'était bon de même. Mais j'ai été, un peu surprise d'apprendre à des groupes qui allaient plus jouer. Non, la salle ferme, ça, c'est un peu gênant, mais mais autrement, c'est fou. Je peux pas concevoir comment je consommerais la musique, comment j'aimerais les groupes si j'avais pas eu le Maquisard dans ma vie. C'est aussi gros que ça. Et je trouve ça vraiment terrible parce qu'habiter à Montréal, oui, j'ai de la diversité, puis oui, j'ai la possibilité de voir plein de groupes. Surtout, je suis majeure, fac. Il y a les bars, chose qui serait pas possible. Ben oui, à l'époque, je pourrais pas aller à l'ESCO. Ben, il faudrait que j'aille des fausses cartes, là. C'est pas gentil. Mais reste que pour moi, la culture, faut que ça ait un espace pour exister. Puis il y en a encore du monde qui sort. On a beau dire que la consommation du divertissement se fait à la maison maintenant, mais non, je veux dire, je vais au centre-ville de Trois-Rivières, ça a beau être deux coins de rue, les clubs, il y a du monde dehors, puis ils sortent. Ça me choque puis ça m'attriste parce que oui, il y a eu beaucoup de tentatives culturelles de petites salles, le petit spectacle, l'amphithéâtre qui fait des plus petits spectacles juste sur la scène, mais si un jour vous visitez Trois-Rivières, ben vous allez bien le réaliser. L'ancien Maquisard, maintenant ancien Satyre, mais il est au beau milieu du centre-ville. Fait que littéralement, au premier et au deuxième degré, tu peux dire qu'il y a un trou culturel à Trois-Rivières. Et sur ce, ben oui, c'était une longue parenthèse pour cette salle qui me tient à cœur et que j'associe à mon oncle Serge. Je vous en fais la critique, inquiète-toi pas, ça s'en vient. Mais d'ici ce temps-là, dernier hommage, la chanson Maquisard. Du cri sur du bec en enchaîne.

mort-vivant du groupe Novospéi. C'est un groupe de Trois-Rivières. Et oui, c'est pas parce que des salles qui ferment à Trois-Rivières que ça fait pas moins de groupes de là-bas. Ça leur fait juste moins de place où jouer. Fait qu'il reste le Rockstage Café, dont je vous ai fait la critique un peu douteuse il y a une coupe de semaines, que je vous invite à réécouter. Où il reste le Zénob, toujours un grand classique des artistes trifluviens. Et vous écoutez toujours Critique de Crowd, qui a toujours plein de suggestions crowdiennes à vous faire, parce que vous êtes beau quand vous êtes debout devant une scène en train d'écouter votre groupe préféré, et là. Fait que ce soir, tu peux aller voir Un Blonde avec She Devils et Guy's Number à la Vitrola. Vendredi, grosse soirée. Et entre autres, je te suggère Larry Kidd, Joe Rocca avec Charlie Shuse. Et ça se passe à l'instant même. Et peut-être que toi aussi, tu te dis, l'instant même, c'est pas une salle que je connais pas en toute, là. Qu'est-ce que c'est ça? Mais c'est la vitrine éphémère des mêmes cacaïstes. Alors, le jour, tu vas voir de l'art. Et le soir, tu vas voir de l'art, mais que tu écoutes au lieu de regarder. Et sinon, il y a Albatros au café Atomic. Mayhem, Inquisition, Black Anvil au Club Soda samedi avec le soleil sortant de sa bouche avec Zara Dion à la Sala Rossa dimanche. Ben oui, gros classique tout le temps, mais c'est tout le temps bon! Les 5 à 7 des blocs du Quai des Brumes, et cette fois-ci c'est avec notre beau Bolduc tout croche. Lundi, Laurite, alors si tu ne l'as pas déjà vu au Poudia, je trouve que c'est toujours comme l'occasion de voir ce band-là, ben vas-y là à la Casa del Popolo ce lundi. Et mardi, ça commence avant puis ça finit le 8 février, mais c'est le SatFest. C'est une sélection de courts-métrages immersifs. Fait que, ben oui, je suis curieuse de savoir comment vous allez vous placer en dessous du dôme, crowd. Fait que, reviens-moi là-dessus. Et finalement, mercredi, Of Course, le prix du funk avec Amalgame vont jouer à l'escalier. Et voilà. Sinon, ben, le palmarès de CISM, c'est toute une belle crowd. Il y a 30 positions et je vous en passe deux. En 18e et en 9e de la reine et victime. I see the view, I see the vibe. Dans l'ordre que je vous ai pas présenté, pas en tout. Vous avez entendu Victime puis De La Reine. Parce que oui, je présente les chansons à CISM comme je les mets en ordre chez nous. Fait que c'est toujours un peu chaotique. Et vous avez entendu L'Impérative. Et vous avez aussi entendu Tout est de ma faute pour toutes les chansons du palmarès CISM893.ca. Et oui, vous écoutez toujours Critique de Crowd sur les ondes de la marge. Et... pour moi, l'expérience crowdienne, c'est toujours, toujours de quand tu arrives devant la salle et même avant jusqu'à la toute fin quand tu quittes les lieux et même peut-être plus parce que dans les transports en commun, il y a toujours de la crowd. Cette fois-ci, c'est pas tant les transports en commun que les rues en tant que telles de Montréal puisque c'était très, très neigeux ce jour-là. C'était joli, ça faisait très temps des fêtes, ça faisait très hiver, ah, comme c'est mignon. Mais j'ai surtout vu comme, on va dire que la crowd, c'est plus que deux personnes, mais écoute, ça peut aussi inclure des déneigeuses, mais il y avait une crowd de déneigeuses qui ils étaient comme vraiment folles. Ils étaient comme en train de déneiger tout le temps la même place. Ils se renvoyaient la neige, je sais pas si c'était un jeu ou ils étaient sous l'effet de quelque chose, mais il y avait quelque chose de pas du tout logique dans leur travail. Fait que, ouais, j'étais perturbée par les déneigeuses et je pense que j'en voyais même dans la crowd. C'est à suivre. Mais reste que oui, c'est très très mouillé aussi. Ça aussi, c'est à suivre. Mais autrement, dans le métro, ben oui, qui sait qu'on croise pas dans le métro avant son propre spectacle? Ben oui, mon oncle! C'est ce qui est... c'est toujours ça qui fait drôle quand tu joues dans ta propre ville ou tout simplement, ça m'a confirmé, Jolène, tu n'es pas en retard au spectacle, sinon il y en a un qui est plus en retard que toi. Et comme de fait, je suis arrivée, puis c'était milieu du set de Karaté. Karaté qui a sorti leur premier album en 2015 et qui font dans le punk trad bon néologiste, ben oui, comme de fait, parce que ça confirme le style et ce qui se passe dans la crowd, cette rachouille que ça rigodonne. Ça va être pas mal ça, ouais, mais... J'exagère un peu parce que quand je suis arrivée, il y avait un vide de pit. Alors, ben oui, ça m'a fait un très bel espace pour être dans la crowd, tout en sachant que ça allait obliger à ce que je participe. Mais relativement calme. Encore une fois, première partie, c'est ça, ouais, ça va ensemble. Les gens conservent leurs énergies. C'est pas eux autres qui vont exactement voir ou sont juste trop occupés à boire. Tout ça, ça peut être assez varié. Mais faut dire qu'il y a eu la présence de Vincent Pic qui est venu chanter une chanson qui est sur l'album de Karaté, Tape la bisoune. Et il a aussi fait Boisson d'avril. Fait que je te dirais que ça a quand même plus levé à ce moment-là. De la grosse visite, faut bien y rendre honneur. Effectivement, mais moi, j'y ai trouvé un certain plaisir parce que quand je dis rigodonne, oui, les gens ont vraiment dansé comme quand on prend bras dessus, bah, deux, trois maximum personnes, là, ça faisait pas des grandes chaînes et ça faisait pas des grands mouvements, mais le mix est très intéressant, très mignon, ben oui, c'est convivial, c'est sympathique, ça pousse, mais c'est pas... Ouais, il y a une certaine forme d'accessibilité face à la forme de la danse, fait que j'ai bien aimé ça. À l'entracte... C'est là où on voit toute la couleur de la crowd de mon oncle Serge lorsqu'il jouait avec Anonymous. Il y avait du monde, je sais pas s'il se pensait comme, je sais pas moi, un festival extérieur, comme un Woodstock pour ne pas nommer celui qui en a fait une chanson justement. Mais il y avait un toutou puis une figurine, une gang de gars. Comme si le club soda était trop grand. Comme s'il allait se perdre. À quel point t'es perdu dans la vie, garçon? À quel point t'as peur de perdre tes amis dans une salle comme va avoir 500 personnes? Ou, ben oui, plus, parce que là, c'était capacité maximale. Mais quand même, ça m'a fait beaucoup rire. C'est comme... Ouais, il avait visiblement peur, mais il était aussi visiblement funné. Parce qu'il y en a un qui a descendu les culottes. Fait que là, il y avait les jeans à moitié à terre. Puis là, au lieu de les remonter, il a décidé de nous faire une belle lune. À ses amis, mais voyez-vous, j'étais juste à côté et je suis critique de crowd, fait que je te le rapporte sur les ondes de la marge. Et ouais, on voit aussi le niveau d'humour de certains des spectateurs. Alors sur ça, tu feras le jugement que tu veux sur les lunes. Mais on va écouter de la bonne musique Karaté et Groovy Hardvark puisqu'on a entendu Boisson d'avril. Je vois à la rivière pour pêcher du poisson, zonzon. Rencontre une jolie fée qui s'en allait du long. Là, tu fais des mignolés, là, tu fais mouiller, là, tu fais des culottés, ligodés, ligodons, ligodines. Touchez un, touchez pas, touchez-y pas, laissez ça, l'homme m'en veut pas. Puis bonheur ne s'en va pas, puis tape la bisonne, puis t'approche à la bisonne, et puis t'approche encore, et puis t'approche toujours. Moi, je fais ça pour faire des farces. Moi, je fais ça pour rire. Jolie fille qui s'en allait du long, zonzon. Mais lui a demandé, aimez-vous le poisson? Là, tu fais des mignolés, là, tu fais mouiller. Là, tu fais des culottés, ligodés, ligodons, ligodines. Touchez-le, mais touchez pas, touchez-y pas. Laissez ça, l'homme m'en veut pas. Puis bonheur ne s'en va pas. Puis tape la bisonne, puis t'approche la bisonne. Et puis t'approche encore, et puis t'approche toujours. Moi, je dis pas ça pour faire des passes. Moi, je dis pas ça pour rire. Si elle aimait le poisson, zonzon, elle m'a répondu oui, acceptez les surgeons. Là, tu fais des pignolés, là, tu fais mouiller, là, tu fais des pisés. Ligodés, ligodons, ligodines. Touchez-le, touchez pas, touchez-y pas, laissez ça, la maman veut pas. Puis bonheur ne s'en va pas, puis tape la bisonne, puis t'approche la bisonne, puis t'approche encore, puis t'approche toujours. Moi, je passe à pour faire des passes. Moi, je passe à pour rire. Ils sont allés trop long. Là, tu fais des mignolés, là, tu fais mouiller, là, tu fais des culottés. Ligodés, ligodons, ligodines. Touchez-y pas, laissez ça, la maman veut pas. Puis bonhomme ne sort pas, puis tape la bisonne, puis ta poche à la bisonne, et puis ta poche encore, et puis ta poche toujours. Ouais, c'est pas ça pour faire des faces. We'll be right back. vraie histoire, rapport au grand Mont-Saint-Hilaire. Bon, vous comptez une vraie histoire, rapport au grand Mont-Saint-Hilaire. Il cache un lac tellement profond qu'on a de même qu'il n'a pas de fond. Il cache un lac tellement profond qu'on en dit même qu'il n'a pas de fond. Il cache un lac tellement profond qu'on en dit même qu'il n'a pas de fond. De la surface au fond des eaux, on y monte de grands bateaux. De l'Écosse au lac Champlain, y'a des images mais on voit rien. Pendant que les crédules font la file, d'autres tirent leur boisson d'avril. De la surface au fond des eaux, on y monte de grands bateaux. De la surface au fond des eaux, on y monte de grands bateaux. Le monde secret des intraterrestres, ainsi que le passage au Loch Ness. Le monde secret des intraterrestres, ainsi que le passage au Loch Ness. Le monde secret des intraterrestres, ainsi que le passage au Loch Ness. Partout dans ce monde irréel, Champlain, y'a des images mais on voit rien. Pendant que les crédules font la fête, d'autres tirent leur boisson d'enfer. Classique de Vacuum, Boisson d'avril, Groovy Hot Void que vous écoutez toujours, CISM, le 89.3 FM. Vous écoutez toujours Critique de Crowd. Et, bon, ben, fin de la première partie, fin de karaté, fin de tout ça. Mon oncle Serge et toute une mise en scène, je le répéterai jamais assez. Quel décor, quelle thématique. Quoique, il y a beaucoup de chansons de, ben, beaucoup, quelques-unes chansons de mon oncle Serge qui parlent de Noël et qui en parlent peut-être pas avec tendresse. Et cette fois-ci, ben oui, était sorti Les Fêtes en Enfer qui donnait déjà un peu le ton des décors et de l'enrobage du spectacle. Alors, comme quoi le Père Noël, c'est un pédo, il a été pendu. Alors, pédo pendu, Père Noël, sur scène littéralement, parmi ces 1000 cadeaux énormes qui décore bien le stage. Et alors, ça confirme que, oui, effectivement, les fêtes seront cette année en enfer. Et ça partit tout de suite. C'est beau quand même comment les gens sont restés attentifs au début, parce que on s'entend, je viens de mentionner, oui, ça va beaucoup, oui, beaucoup de laisser aller, très permissif comme, je m'en fous, c'est la fête, on s'amuse. Et non, les gens ont écouté le grand discours de mon oncle, et qui fait toujours avec grande éloquence. Alors, boum, début de la chanson, ça trash, ça c'est bien évident. C'est à la deuxième chanson, Les Patates, que ça va commencer à avoir plus de body surf. Et je t'ai parlé de déneigeuse, mais je trouvais que justement, les gens fonçaient dans le tas comme fonce une déneigeuse dans le tas de neige, comme sans finesse. Ah ouais, l'important, c'est juste de ramasser dans le tas, là. Très mâle. Ceci est mon cri de mâle. C'est pas le plus grave que je peux faire, mais ce sera celui-ci pour l'occasion de la critique. Et ouais, quand je dis très mâle, c'est, ouais, on dirait une espèce de dose de beaucoup de testostérone dans l'air et de bière. Je le mentionne beaucoup indirectement, là, parce que il y avait beaucoup de lancers de bière. Ouais, oui, garochés en l'air. Et je trouvais que c'était pas un truc hivernal. C'est niaiseux, hein. Déjà, je trouve que c'est un truc extérieur parce que c'est rafraîchissant. Ou du moins, tu sèches plus vite, t'es dehors, c'est l'été, ça va bien. Là, j'étais comme, dès le début du show, genre tout mon mollet était trempé de bière. Ben là, cette fois-ci, je pense que c'était plus accroché que lancé. Mais c'est parce que ça sèche moins vite. Puis après ça, si tu sors dehors, ben là, ça gèle. Fait que là, tu vas pogner la grippe. Ouais, je pense à des choses comme ça, moi, dans la vie. Quand est-ce que je veux pas pogner la grippe? Fait que ouais, les lancers que je considérais inattendus, oui, avec le style de la crowd, l'énergie du spectacle, mais pas pour les circonstances de saison. J'étais comme, ah ouais, pour de vrai. Bon, ben d'accord. Et quoi, qu'il y avait beaucoup d'accidentels, moi-même, en voulant ramener de l'eau, tu sais, je l'avais dans un petit verre, dans un petit cup, là, c'est, quelle chose impossible à faire dans une crowd pareille. Tu sais, je faisais juste essayer d'avancer. Et non, tout par terre. Alors, peut-être que, tout simplement, la crowd était maladroite, tout comme moi. Je pourrais pas te dire. Par contre, au bord, j'ai trouvé les gens sympathiques, ça jasait. Ça, où c'était 1000 quiproquos de « je suis l'ami », et c'était jamais le cas. Mais ça me donnait une belle perception de la foule qui jasait facilement aux autres, qui avait envie, ouais, d'être camarade, à qui mieux, allons-y, jasons. Sont participatifs aussi. Ça fait quand même longtemps que j'ai pas fait ça, là, mais faire la vague de côté avec tes petites mains. Oui, crowd. Fait qu'on a fait ça comme à go fait du bruit, on a fait du bruit. Des bons vieux classiques d'appel à la crowd, fait du bruit. Mais ça, c'est dans les shows d'humour, souvent ils disent ça aussi, comme en bord, hey, tout le monde fait du bruit. Cette fois-ci, c'est avec mon oncle. Hey, ce semi-rapport, mais les Goulinatix, il y a une toune avec Anonymous qui parle d'eux dans Sébastien Benoît. Ils disent, tu vois, on est des vrais métalleux, on écoute du Goulinatix, puis on sort avec les Goulinatix. Fait que j'ai envie de vous en passer aussi parce que sur le même album, il y a L'Orge de bière, chanson qui est très mise en scène, encore une fois, avec l'histoire de calage. Si vous êtes jamais allé voir mon oncle Serge, à chaque fois qu'il fait la chanson, ou du moins je l'ai jamais vu ne pas le faire, il invite quelqu'un sur scène boire une bière qu'il doit caler devant tout le monde. Et c'est la pêche au moron, fait qu'il cherche le plus moron de la gang. Alors voilà la thématique autour de ça. Reste que pour moi, c'est une anecdote. Là, ça, je vais dire familial, mais attends un peu la suite. Fait que je te promets une parenthèse sur ma vie familiale et L'Orge de bière. Mais avant ça, Goulinatix, engrenage. La mort multiple, blessé visage, très souriant. Ah, oh, comme je l'aime, cette chanson-là de Glunatic. C'est Engrenage de Cryo Génie. Bel album. Je vous le suggère de l'écouter bien au complet. Hey! Je t'ai parlé de ma famille. J'ai dit que ça allait être une parenthèse. Je t'ai dit que ça avait un lien avec l'âge de bière. Et, pour partir du début. Ben, mon oncle Serge, c'est une affaire de famille par chez nous. En tout cas, ça fait un peu drôle peut-être d'une même. Mais avec mon père, on s'ostinait beaucoup à savoir c'est qui avait fait connaître mon oncle Serge à qui. Et c'est dur à dire parce que jadis, à l'époque, ben il y avait des canaux à la télé qui passaient encore des vidéoclips. Fac, je crois que c'est comme ça que j'ai connu mon oncle Serge. Oui, comme de fait. Et de son côté, il était très, très pitonneux, tu sais, très Internet avant l'époque, là, tu sais, Internet quand personne l'a. Mais c'était son genre. Et je crois que c'est vraiment à cause de son site et... ouais, peut-être encore une fois les vidéoclips. Et justement, c'est drôle parce qu'il trippait vraiment beaucoup sur le vidéoclip des patates. Et est-ce que vous l'avez regardé récemment, Crowd? Parce que, c'est tellement trash, cartoonesque. C'est vrai que ça en sort une beauté. Là, les dessins, on dirait qu'ils sont dessinés sur Paint, là, c'est pas déjà le cas. La tapisserie avec des pénis, avec les faces de ministres et les patates qui sont grosses lettres puis qui démembrent les membres du groupe. Les tripes qui sortent, le sang, tu sais, c'est cheap. Mais en même temps, c'est juste assez cheap pour que tu trouves ça vraiment dégueu. Et je me rappellerai, tu sais, il avait dit « Oh oui, je l'ai partagé à toutes mes amies par courriel! » Oui, oui. Et il comprenait pas pourquoi ses amis n'étaient pas du même avis que lui à dire que c'était pas aussi merveilleux, créatif, fantastique. Il était comme « Ah, qui est cet artiste? » Fuck, c'est resté peut-être pas une affaire d'amitié, mais une affaire de famille, mon oncle Serge. Et justement, on écoutait, il y en a trois, il y a Pestac, il y a Final Bâton, puis il y a les Pogs Santaniques. On l'écoutait ensemble, puis... le moment où mon oncle Serge, justement, appelle le moron, puis il boit la bière. Et... Je m'en souviendrai toujours. Mon père croyait pas que c'était un vrai spectateur. Il était comme, c'est impossible! C'est un DVD enregistré! Il doit bien avoir signé une décharge! À part ça, il parlait pas du tout de même. Je dramatise. Mais quand même, il y avait quand même cette réflexion-là. Il se disait, ça se peut pas, c'est un comédien. Et, à l'avoir vu en show plusieurs fois, ben, je te le confirme. Mais non, c'est pas un comédien! C'est vraiment un spectateur. Mais ça me fait énormément sourire de me dire comme, ah, c'est filmé, c'est donc impossible, il doit avoir des points UDA derrière ça, Union des artistes réclamés, votre dû. Fait que, à chaque fois, la part tourne, ça me revient en tête, je me dis, ah non, ce n'est pas un comédien. Et pour cette raison, on va écouter Simon Kingsbury et sa chanson « Comédien ». Et on s'y retient. Simon Kingsbury te chante comédien sur son plus récent album Pêchez rien. Et bon, fin de la parenthèse sur l'âge de bière, retour à la critique de Crowd, justement à cette chanson qui fait que le show de mon oncle Serge est parfait. Pour de vrai, il est tellement bon sur scène, il est tellement tight que tu peux pas trouver que c'est un bon spectacle. Même si c'est pas ton genre musical, il est parfait. Mais, la crowd! C'est rare que je t'aime pas, crowd. C'est rare que je te chicane. Mais là, non, garçon, non! Nyon! T'as-tu entendu? Nyon! Fait que oui, ça va être rempli de colère encore parce que franchement, ça a gâché mon spectacle. Ça partait de quelque chose de bien. Tu sais, au début, il y a quelqu'un qui m'offre un body surf. Je fais « Ah, ben oui, pourquoi pas? » Mais là, je réalise, c'est l'âge de bière. Puis connaissant, justement, là, tout, bon, tous les flafla autour, sur scène, le moron, la pêche au moron. Je suis comme « Quel mauvais timing pour un body surf! » Mais je me suis fait offert, fait que je dis oui. Tu sais, tant pis, allons-y gaiement. Et c'est pas du tout gaiement. Bah. Là, si vous trouvez des fois que Critique de Crowd a crié puis elle s'énerve trop, là, attention, ça risque de mal se passer. Ouais. Je body surf, puis c'est long. Puis, ouais, un body surf assez tranquille, normal. Au début, je trouve ça drôle, c'est sympathique. Très long, surtout que la tonne est allongée, fait que c'est encore plus long. Mais il y a surtout, et j'hésite sur les termes que je vais utiliser, mais je vais être direct, il y a quelqu'un qui essayait bien de me doigter, et oui, de mettre ses doigts dans mon entrejambe. Et non, je ne portais rien de si particulier. Alors déjà, comme en pantalon, bonne chance, garçon. Mais voilà, ça ne se fait pas. Je crois que je vous apprends rien. Je crois que socialement, on est beaucoup à parler de consentement, de notre corps nous appartient. Même au primaire, on chantait la chanson « mon corps, ce n'est pas le tien ». Bon, mais, ah mon Dieu, ce vidéo-là, là, tu sais, ils nous parlent pas de « Ah oui, quand tu body surf » ou même mes cours d'autodéfense au cégep. Non, ils ne m'ont pas appris qu'en body surf, il y a des techniques, tu sais, pour repousser le monde. Fait que j'étais un peu démunie, voyez-vous, parce que déjà, à la base, oui, c'est une activité plaisante et de dos, ben oui, ça se peut que les gens touchent tes fesses. Et je vous dirais que c'est un point d'appui assez pratique. Fait que surtout, tout le monde a des fesses dans la vie. Fait que je trouve ça un peu, oui, ça peut être considéré comme une partie de notre corps sexuel, mais disons que pour l'occasion, ça peut être pratique. Fait que là-dessus, j'en fais pas de considération. Justement, point d'appui, aide, quand je sens que tu n'as même pas l'hypocrisie d'avoir un mouvement de doigts là, inapproprié. Non. Purement toi et ta débauche, là, ta dérape, là, tu sais, t'es trop sur le party, tu t'en fous. Mais moi, je m'en fous pas, là, j'ai vraiment plus... Hey, moi, j'ai plus de plaisir. Puis je me sens comme le jeu de la marmotte avec le marteau, là. Fait que là, j'essaie de pogner le gars. J'essaie, mais tu sais, je suis au-dessus de la foule, fait que je suis pas capable. Fait que là, je donne des coups à n'importe qui. J'ai dû blesser des gens que je ne connaissais pas. Ben, c'est sûr, je les connais pas, c'est la crowd, il y a beaucoup trop de monde. Mais là, je suis en colère, puis je suis pas capable de te défaire de mon body surf. Il est super long. Pis ouais, comme c'est un bon body surf, fait qu'il y a beaucoup trop d'appui un peu partout. C'est pas comme si je pouvais chavirer puis retourner à terre facilement. C'est niaiseux comme situation. Mais là, je savais pas c'est qui avait des mains pas fines. Puis là, j'étais juste comme ah, fait, j'ai pogné les nerfs, puis j'ai mordu une main. Je ferais pas ça normalement, mais j'étais vraiment en cas de dernier recours. J'étais choquée contre la foule. J'étais tellement hors de moi, mais en position de pouvoir rien faire. C'est tellement triste et désolant comment l'hédonisme, oui, tu sais, il y a un peu cet aspect-là dans la crowd de mon oncle Serge. C'est la fête, on s'en fout de notre lendemain. On s'en fout de notre mal de tête du lendemain. Mais il y a quand même la limite du respect des autres. Peut-être que dans ton état d'ébriété, tu l'oublies, mais je te l'apprends, crowd. Non, ça ne se termine pas là. Même si tu n'en rappelles plus le lendemain, ça existe encore ce que t'as fait. Fait, j'ai vraiment été déçue de la foule de mon oncle Serge durant ce show-là au Club Soda que j'attendais, que c'était une belle foule. J'avais du plaisir parce que, justement, mon oncle Serge a la qualité d'avoir une crowd variée. Et des fois, c'est pour le mieux, des fois, c'est moins pour le mieux. Hélas! Et ouais, vraiment, hélas, c'est exactement à ce moment précis où j'avais envie d'être comme justement devant mon DVD là, de mon oncle Serge, faire pause. Et pour tous les textes qu'il écrit à propos de « je chante pour des morons »,« ma crowd, c'est des punks qui puent », tu vois qu'il y a une relation amoureuse avec sa crowd et heureusement, il a la capacité de leur dire ouvertement, de leur dire dans leur face, le problème c'est qu'ils aiment ça, fait qu'ils leur demandent, mais d'avoir ce recul-là, ce... cette réflexion-là sur sa propre foule, je pourrais pas dire sur tous les artistes, mais mon oncle Serge, c'est vraiment une, je trouve, une de ses grandes, grandes qualités. En plus qu'elle soit variée, il y en a hyper conscience. Et c'est là, à ce moment précis, que j'aurais voulu mettre pause sur la foule puis faire « Je te comprends. Ah, je te comprends tellement, mon oncle. Ah, mon Dieu, tu chantes pour des morons. » Mais là, j'en ai l'exemple précis. Seigneur que... Ah! Ah! Désespoir! Et pour votre information, pour ceux qui suivent souvent l'émission où c'est la première fois puis t'es un peu traumatisé de ce que je te raconte sur les ondes de la marge, ben non, effectivement, c'est peut-être pas la première fois que des fois il peut avoir des touchés peu appréciés en body surf. Je crois qu'il y a de l'éducation sociale à faire, mais sur toutes les fois que j'en fais, et j'en fais souvent, ben c'est peut-être arrivé 3 fois dans ma vie. 3 fois en... Ben... Je sais pas, moi, plus que 15 ans de body surf. Fait que c'est quand même pas alarmant. Ça reste qu'il ne faudrait juste pas que ça se passe. C'est impossible que ça se passe. Il faut pas. C'est complètement moron. C'est complètement moron. Et c'est... Oh oui, c'est vraiment avec beaucoup de tristesse que j'ai fait comme... Ouais, mon oncle Serge a raison. Il chante pour les morons. Et c'est pour cette raison-là que la chanson « Je chante pour les morons » n'aura jamais été aussi à propos. Vous allez l'entendre. C'est de son album « Serge Blanc d'Amérique ». C'est le fun, l'auditoire me téléphone. Drelin, drelin, premier appel. Ça doit être un prix Nobel. Un brain, une sommité. Un chirurgien hausse du scalpel. Hello. Ouais, c'est toi, ça, mon oncle. Ouais. Comment tu fais pour être fucké? Appel numéro 2, c'est pas mieux. Appel numéro 3, on n'est pas sorti du bois. Appel numéro 4, je baisse mes défenses. Je me rends à l'évidence. Je ne chante pas pour la crème. Je chante pour les M. Comme dans pédagogue. M comme examen pas faisable. Le prof est chien, c'est pas comprenable. Je chante pour les M-O-R-O-N avec un S au pluriel. Je chante pour les morons. Je chante pour les cons. Je chante pas pour le recteur de l'Université de Montréal. Je ne chante pas pour le chercheur en maths fondamentales. Je pour les hits, hits, hits. Pour les twits, twits, twits. Je joue de la basse pour les derniers classes. Oui, je chante pour les morons. Je suis considérablement et inévitablement cool. Je t'élance. Voici l'île des cancres. Voici le royaume des ânes. Si notre embarcation n'a jamais coulé, on en dira pas autant des habitants de cette contrée. Voici les calottes, voici les Heyman des hot, voici l'Eldorado, le pactole, voici le jackpot. Regardez-les se pommer devant nos pets pis nos rats. Ici, on va pouvoir enfin écouler notre camelot dans les gargouillis les plus immondes, des sonorités les plus brunes. Passe sur cette île pour du Haydn. La moindre flatulence résonne comme du Proust dans les coquilles vides sur lesquelles on chope un poisson. Oui, je chante pour les morons. Je chante pour les cons. Je ne chante pas pour les vols qui s'en vont à l'école et qui partent débarnés. Nique, nique, nique, nique, nique, nique. Je prends des hits, hits, hits. Je suis le Stevie Ray Vaughan de ceux qui portent des bonnets d'âme. La reine Elisabeth des analphabètes, le héros de... m'a quitté ce moment, je me suis mêlé de bien à ton respect, c'est bien aller plus haut pour que tout redevienne plus bon. Car il y a des lucifères qui fait la vie dure à la peur. Et je pleure, et je meurs sans la cesse, par les caisses. Et je prie, et je crie, par silence. Stress, cet album qui contient la chanson Un pied dans la tombe d'Anonymous qu'on a pu entendre durant le spectacle au Club Soda des Fêtes en Enfer parce qu'il n'y avait pas que les chansons uniquement de Mon Oncle Serge et Anonymous. Et oui, il y avait aussi une tout simplement d'Anonymous. Et la réponse était très bonne dans la crowd. Et oui, là, vous écoutez toujours Critique de Crowd qui dépompe parce que évidemment, c'est un moment fort décevant et que je ne voudrais jamais qu'il réarrive dans la crowd. Mais reste que, mettons, on est comme aux trois quarts du spectacle et j'ai encore envie de, ouais, pas de terminer intérieurement sur une mauvaise note. Fait que je vais rester dans la crowd à bien, j'allais dire à bien l'apprécier malgré tout, mais écoute, il y a tellement d'emballements de monde qui s'amuse, qui fête, les ballons qui tombent durant la chanson Un clown pour grand-papa et... Ben oui, je pense qu'il y a toujours la possibilité de réembarquer parce qu'il y a beaucoup d'animation à la fois sur scène et dans la foule. Et personnellement, je pense que je me suis un peu réconciliée avec la situation parce qu'il y a eu la chanson aussi « Chaque salope cherche un gros cave et chaque gros cave cherche une salope ». Je dis mot que je ne me servirais pas en honte si ce n'était pas véritablement le titre. La chanson de mon oncle Serge. Et j'étais dans le pit et j'ai dansé avec une fille. Alors, j'ai trouvé que c'était beaucoup à propos. J'étais comme « Ah, tant pis les garçons! » Et elle était... Oui, au début, j'étais comme « Ah, la fille est drôle, elle est sympathique. » Et après ça, j'étais comme « Oh! » La fille, elle avait les yeux qui retournaient de l'autre bord. Ben, elle était pas possédée par le démon, là, mais juste qu'elle avait... oui, elle avait beaucoup consommé. J'avais jamais été autant marquée par cet aspect-là des shows de mon oncle Serge et Anonymous. Dérapage non contrôlé. Il y a du monde, tu te demandes comment ils font pour tenir debout. Encore plus, comment ils font pour tenir debout dans un pit! C'est dangereux juste pour ça. D'habitude, je sais pas, mais c'est drôle. Il y a comme une régularisation. Ah, et ça se régule de soi-même, une crowd, pis surtout un pit. Fac, je sais pas, ça doit être le nombre de gens intoxiqués qui font en sorte que c'est moins gérable ou juste que le monde s'en fout puis on fait bien ce qu'on veut. Mais relativement surprise de la quantité de gens ou juste qu'il était capable de tenir debout. Ça avait l'air miraculeux. Comment tu fais pour tenir sur tes deux pieds si t'es pas capable de t'occuper de tes deux yeux? Ceci sera ma réflexion. Et parmi d'autres tentatives, et là, cette fois-ci, c'est juste que c'était un peu trop complexe, comme tentative de Wall of Death, et c'était comme semi-accroupi, fait que c'était semi-réussi. Je pense que c'était au rappel. Quand même demandé. J'étais à côté de la fille, une autre fille. La fille qui parle les ohé, ohé, ohé. Tu sais, ça se passe souvent, tu sais, dans la crowd. Mais elle, il y avait de l'organisation. Elle nous a appelés. Moi puis mon amie, elle a fait comme, allez, chantez, parce qu'il faut être plusieurs. Ça demande qu'il y ait des gens qui crient ohé. Je trouvais que, il y avait de l'organisation très sérieuse pour, pour l'appel du rappel. Et c'était la chanson fourrée, je pense, si je me trompe pas, qui a terminé le spectacle. Et ce que j'ai trouvé, drôle, puis c'est très personnel, fallait être proche de la crowd. Mon ami avait, c'est une blague de farce et attrape, c'est une capote, puis à l'intérieur, il y a un monocle. C'est drôle! Puis il l'a donné à mon oncle Serge, qui l'a déballé et qui a réalisé que c'était un monocle. Fait qu'il s'en est servi durant la chanson. Pour ceux qui ont beaucoup de mémoire, c'était à mon ami. Fait que j'ai beaucoup ri, parce que c'est le plus beau des jeux de mots! Donner un monocle à mon oncle! Fait que voilà, ça m'a fait sourire puis ça a rattrapé la soirée. On va terminer en chanson, toujours, parce qu'à la radio, on passe de la belle musique. Vulgar délit, parce que malgré ce que peut-être ça peut susciter pour certains dans la crowd, les paroles grivoises, ça reste, un registre de langage et d'humour que j'apprécie. Et Vulgar délit excelle bien dans le domaine. Montréal, à Montréal, à Montréal, à Montréal, à Montréal, à Montréal, à Montréal, à Montréal, à Montréal, à Montréal, à Montréal, à Montréal, à Montréal, à Montréal, à Montréal, à Montréal, à Montréal, à Montréal, à Montréal, à Montréal, à Montréal, à Montréal, à Montréal, à Montréal, à Montréal, à Montréal, à Montréal, à Montréal, à Montréal, à Montréal, à Montréal, à Montréal, à Montréal, à Montréal, à Montréal, à Montréal, à Montréal, à Montréal, à Montréal, à Montréal, à Montréal, à Montréal, à Montréal, à Montréal, à Montréal, à Montréal, à Montréal, à Montréal, à Montréal, à Montréal, à Montréal, à Montréal, à Montréal, à Montréal, à Montréal, à Montréal, à Montréal, à Montréal, à Montréal, à Montréal, à Montréal, à Montréal, à Montréal, à

qu'est-ce que vous faites? Toi, qu'est-ce que tu fais? Les bartendes, les bartendes. Non, c'est pas tout le temps d'aller t'étendre. Nous autres, on sort dans les plus nice bars. On te parle de bière comme personne d'autre peut le faire. Servoise de qualité. Pinard. Clavecin. Petit soulier pointu. Cocktail de réjouissance. Bâti folage. Incommensurable. Nouvelle France de vitalité des ténèbres. Les bartendes, le vendredi à 14h30 à CISM. We bass it up, son. Dans la décap, t'as pas big bass in action. Ah, j'écoute ce YSM le matin, on le parle, maybe Watts, Montréal. Yo, yo, yo. This is Bob Benel. Y'all listening to CISM 89.3